sur la plage nue, mes mains saignent. Je taille la pierre, la survie m'enseigne. Le sable brûle, le vent m'enchaîne, mais je forge ma route dans la poussière ancienne. Je frappe le bois, j'entends l'écho. Chaque pierre me guide vers mon credo. Au tunnel militaire, les ombres m'appellent. Mais je suis cow-boy d'acier, homme éternel. Dans la nuit froide, la peur se consume. Les échos des voiliers frappent mes tympans, mais je crée ma légende au souffle du temps. Chaque clou forgé, chaque pierre brisée trace ma route vers l'acier sacré. Un Far West perdu dans ce monde rouillé. Mes riders qu'il marche prêt à tout piler. Chaque ennemi tremble au non-rider's skill. Le sang sur la terre, les cris dans le vent. Un cowboy de roast qui écrase les vivants. Dans la poussière, je grimpe. Qu'il brûle, cowboy en fusion. Stone and fire, l'histoire s'écrit. Ross m'appartient et la nuit s'enfuit.